émission. Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Rof. Passez une bonne soirée, c'est parti. Coup d'envoi de ce Planète Rap avec Rof toute la semaine entre 20 et 21. Ça va? Tranquille, toi, mon vieux. Prêt? Ouais, toujours, frère. Tu vas tenir pendant une bonne heure? Ouais, prochain. Bon. Parce que je sais que t'as eu une soirée agitée, c'est-à-dire que t'as pas dormi, en fait. Ouais, tranquille. Donc là, Rof est là avec nous entre 20 et 21. Prépare, c'est quoi? Ça cogite en ce moment sur cette tournée des Zéniths, beaucoup? Ouais, je m'en place des choses, tu vois. Je m'en place des choses, j'essaie des choses, tranquille. Puis, comme je me suis levé très tôt, tu vois, à 8h, j'étais déjà en promo. Donc, 8h du mat, donc voilà, quoi. Ouais, ça ressemble à quoi les journées? Beaucoup de promos en ce moment, c'est ça? Beaucoup de promos? Est-ce que t'es un peu en studio? Entre les promos, la promo, la répétition, tu vois. Donc pas trop le studio en ce moment, pas trop de nouveaux morceaux. Le studio, c'était il y a 2 semaines. Tu vois, j'enchaînais des morceaux, tout ça. Bon, tranquille. Mais c'est quoi un morceau où tu prévois déjà l'avenir sur un futur album ou c'est. C'est juste sûr, voilà, pour être toujours dans l'ambiance studio. Ambiance studio, j'enregistre. Toi, t'es quelqu'un qui enregistre beaucoup d'ailleurs, hein, en permanence. Tu passes beaucoup de temps en studio, tu passes ton temps à enregistrer des morceaux. Quand le fer est chaud, ouais. Je le bats. Ouais. Mais c'est vrai que t'as toujours eu cette pratique en même temps d'enregistrer beaucoup. Ouais, c'est ça. Parce que l'inspiration, quand il y en a plus, c'est difficile de le retrouver, tu vois. Donc dès que t'as l'inspiration, tu l'épuises, quoi. Et il y a des moments où il n'y a rien qui sort, il y a des moments où où il faut se reposer ou passer à autre chose, voyager, rencontrer du monde. Ouais, quand t'as plus d'inspiration, c'est clair, faut vivre. Faut vivre tout simplement et ça revient tout seul, tu vois. Bon bah là en tout cas il y a l'inspi pour les concerts. Le début de la tournée c'est le 11 avril au Zénith de Paris. À pas louper le 19 avril Arena de Lille, le Zénith Arena de Lille. Le 20 avril Zénith de Nantes, le 25 avril au Transborder à Lyon, le 26 avril au Zénith de Strasbourg, le 2 mai Dôme de Marseille, le 16 au Zénith de Caen, 28 mai Zénith de Montpellier, le 30 mai aux Arènes de Metz. Rof pour le PDRG Tour, c'est toute la semaine. Répétition, il y aura du live ce soir? Non, ça on va jouer des sons. Des sons ce soir? Ouais, on va jouer des sons, ouais, des classiques. Tranquille. Peut-être le morceau Paris aussi, puisque ce soir évidemment il y a la Champions Effectivement, League. Effectivement, ouais. Effectivement, nous allons jouer Paris, générique. C'est sûr. Ah, la Champions League. Bon, tu dis combien toi? Moi j'ai dit 2-0. Pour Paris. Arrête, tu m'as entendu le dire. Non, je te jure, j'avais dit à l'antenne 40. Fier. Je te jure, j'avais dit 8h moins le quart. 2-0, ouais. Toi aussi? 2-0. Pour Paris, évidemment. Au parc, on est parfaitement. On est prêt. 2-0, frère. Bah, balancez vos pronostics avec le hashtag. 75 matchs qui ne perdent pas chez eux. Mais à l'extérieur, c'est différent, frère. Rof sur Skyrock. Et puis Rof, hier soir, puisqu'on parlait de live, il nous a offert ça. C'était hier soir dans l'émission. Écoutez. Mes flots maintenant ils se prennent tous pour des druides narcissiques à la plume cupide, stupide, comme son te guide. C'est le son des générations 75-70. Mon son en live hier soir. Taper le 18 pour moi taper le 10. De la France à toutes ces générations. Nous sommes des abeilles grandir déchaînant les passions. Je chante avec mes tripes et folie ma réflexion. Y'a pas d'un classique, je n'ai pas fait sans la pression. Les vérités de mon son. La qualité de mon son, c'était en live hier soir dans l'émission. On a passé aussi le morceau L'Oseille, le Zlatana remix. On va en parler encore ce soir. La fierté des notes a été diffusée. On a reçu aussi Samy, hein, hier, Samy Sana qui était là, notre invité boxeur. Ouais. Champion du monde. Ouais, voilà. Krim Amitej. Voilà, et Krim qu'on salue aussi. Soirée était... boxe. Et ce soir, c'est une autre soirée sur un peu plus West Indies. West Indies, si. On présente. Ouais, j'ai invité. Tu veux le présenter maintenant? Vas-y, hein, comme tu veux. J'ai invité Monsieur Kérosène, sur Wadada, le Pizette. Voilà, il est là, tranquille. Ça va bien, Kérosène? Ça va, tranquille, et vous? Bah écoute, en pleine forme. Okay. Bienvenue dans le Planète Rap de Rof. On va faire aussi connaissance avec toi pour te découvrir ce soir entre 20 et 21. On passera, je suppose, le Zlatana remix. Attends, il est en train de dire hasard, il va faire un triplé. Non, il va faire des triplés, c'est les enfants qui vont faire. Ouais, c'est les messages qui arrivent. Ouais, 1-3 okay. Pour hasard, c'est Jérôme qui nous envoie ça. Ok, gros big up. Guada, Madinina, Kérosène represent ce soir. Et Kérosène en présent dans un instant. On balance l'oseille pour débuter. Ok, vas-y. Allez, c'est parti, coup d'envoi. Et après une soirée placée sous le signe des West Indies. L'oseille.

ça prend le temps qu'il faut. Il y a un concert aussi bientôt là, la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 10 au Cabaret Sauvage. Donc bon, ça m'a fait plaisir l'invitation de Rof m'a fait plaisir. J'ai accepté volontiers, d'autant plus que Vitry, bon, j'ai des petites connexions, voilà. Et puis voilà. Vitry, Neufgade, la Vanoise. Tout passe par Vitry en fait. Tous les teams mal. Les connexions. Créteil, tous les teams mal. Les connexions Vitryo. Et donc ouais, le concert le 10 avril. Pour toi, tourner un petit peu aussi ici en métropole. Ensuite, il y a la tournée en métropole, c'est en mai. En mai. Parce qu'après ça, j'ai un autre concert en Martinique et ensuite en Guadeloupe. Le mois est assez chargé et puis en mai, on revient ici. Bon, tu connais évidemment donc Rof. Ouais. Quelqu'un que tu suis, quelqu'un que t'apprécies aussi. Ouais. Surtout le morceau sur lequel il m'a invité, c'est un morceau que j'appréciais déjà particulièrement, donc. Mortel. Zlatana Remix, est-ce qu'on se le balance maintenant d'ailleurs le Zlatana Remix? Allez, on boit. C'est parti, Rock J est au platine ce soir entre 20 et 21. Vous aussi posez vos questions à Rof, à Kérosène, vous les envoyez avec le hashtag Rof sur Skyrock. Planète Rap, voici le Zlatana Remix tout de suite. Foulet Empire. Zlatana West Indies, remix. Piranha, les moi, on est complices. Les footeux, les dealers, les petits vieux, les zookers, mon ama, trop de vis. Et te mettre la banana comme Anna, Nicole Smith. Rebelle, confort, tâche avec offre-fort. Le genre à te faire les poches, pendant que tu rofles fort. Et tes travailles au corps, pigeonne même les grosses pinces. Et kiffe ce son qui fait bounce, sa nouvelle paire de ins, mince. C'est toujours quoi qui rince. Crapule sans les grenouilles, quand les crapauds jouent les princes. Boutique, musique, préfère l'oseille à ton physique. Palace, boutique, resto chic, voyage, tapinage artistique. Elle ressemble à la somme que je n'ai jamais dépensée. J'avoue, elle est archi bonne, elle suce trop bien pour t'en débarrasser. Pour les sales, des touches intéressées, elle est sans bonne qu'encaisser. L'argent, elle a fessé, c'est ta fiancée, t'es son financier. Zlatana, bronzage, Punta Cana, Najetana. Le choquerie Anna, Nazlatana, Nashetana, Nazlatana, Nashetana. Il faut des fringues de la piche au wow. Là, toujours marié comme bandana. Changé comme Anna Montana. Les cabas qui se disent si vous faites ça, qu'à sembler qu'on caissier. Alors, braquage. Le bon nouvel au clé. Déjà, à vous de mon cas, d'abord, à vous faire pote, mais j'ai la gare, vous faire vite, qu'on sente que je suis là. Eh ben, panache. Ils savent que, ouais, ça vous fait tout. Ils savent que, ouais, car au cavant. Débrouillant. Ils font du nez de gloire. Ils font ce qu'on donne du Diana. Ils disent que, bah, on s'attrape. Ils font que, vina, non, pas au loin. On détaffe, si on stick. Si on stick. Pas besoin de faire un script ou sortir pour banana split. Banana split. DJ Moody Mike, big up. Jeune cadre, la trentaine, tous les week-ends tu sors prendre une coupe. Actif et célibataire, t'es pas dans toutes les histoires de couple. Le bel héritage de ton père t'a permis de te payer le petit coup. Mais tu taffes juste pour la santé, mais ton quotidien c'est coup de filet quand ça en couple. Oups, entre deux shoots, t'as repéré son look. Elle t'a dit qu'elle venait de la Guadeloupe. Elle peut t'apprendre à danser le zouk. Toutes les mêmes, mais là y'a pas de doute. Elle est souple, dans ta tête c'est le souk. Tu lui as présenté toute ta troupe. Elle te veut pour le reste de ses jours. Mais, la Zlatana, elle sait à quoi elle joue, elle est belle. Et toi, banal, elle marche et toi tu cours, c'est ta reine. Sa parade doit se répéter tous les jours, elle est tienne. T'en es malade comme avant, tu lui fais la cour. Procuration sur tes comptes, normal après tout c'est ta reine. Tout est bien transféré à son nom, au cas où le business a des problèmes. Elle va même te présenter sa famille. Loin des stress de la fille parisienne. Elle ne connaîtra plus jamais la famine. T'es mort, dévoré par les hyènes. Oh, oh, oh. West Indies remix. Hey. Tous mes guadadas, ma dinina, guyanais, haïtien. Qui j'en parle? HKM. Coteau du sucre, t'es. Aïe. Dangerous. Zlatana, Remix, Guada, Madinina, Guyana, Réunion, on va connaître. Waketala. 7-4. Zlatana Remix à l'instant avec Débrouillard, avec Kérosène qui est là aussi ce soir, avec Rof. Il y a quelques Zlatana aussi dans les West Indies. Ouais, il y en a partout, je pense. Il y a quelques spécimens de Zlatana. Il y en a partout, je pense, ouais. Oui, c'est différent. Tu nous as expliqué que Star Focus, c'est encore un autre niveau, Zlatana. Zlatana, c'est un peu plus sérieux, un peu plus froid, tu vois. Star Focus, c'est mignon. T'es mignonnet. Quand derrière l'Aerosta, c'est rien. Mais bon, Zlatana, c'est un objectif précis. Zlatana, c'est. Y'a pas de pitié. C'est déployer les ailes de pigeon. Exact. Voilà. C'est le remix qu'on peut pas trouver à part là. C'est un cadeau en fait. Tu l'as balancé comme ça, on peut trouver sur le net. Ouais. Cadeau, le West Indies remix de Rof. Ouais. Avec Débrouillard, avec Kérosène qui est là aussi ce soir entre 20h et 21h. Fais le péter, Kéro, au cabaret sauvage, je suis là. Si, t'inquiète, hein, on va l'obliger. T'envoies l'instru direct. Mets-toi bien. C'est le 10 avril prochain, le cabaret sauvage. Pour te voir en concert. Toi aussi, t'as une relation particulière. T'as joué beaucoup aux Antilles ou pas? Il y a longtemps, ouais. Il y a quelques années, ouais. J'ai fait une tournée en fait. J'ai fait Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin. Réunion. Un moment, ouais. Réunion, ouais, beaucoup. Plus. Et moins 20 fois la Réunion. Et puis alors les Comores aussi, parce que les Comores c'est une histoire particulière. Je sais que t'étais revenu pour jouer il y a quelques mois de cela maintenant, justement aux Comores. Il y a d'autres dates de prévues? Tu comptes y retourner là prochainement? Ouais, j'espère, ouais. J'espère. Mais bon, j'ai pas chanté trois fois par an aux Comores. On va essayer de le faire une fois par an, c'est bien, voire une fois tous les deux ans, tu vois. Mais c'est juste, voilà. C'était énorme, ouais, quand je suis parti là-bas. Il y a une affinité particulière, justement, les Comores, les Antilles, il y a un truc particulier. C'est les îles. C'est les îles. Ah, on est tous des quinfres, on est tous des Africains. Ça. C'est pour en commun. T'as été joué aux Comores, toi ou... Non, pas encore. Pas encore? J'ai pas encore eu cette chance. Bon, bientôt, si Dieu veut. Mais va à la Grande Comore. Fais le tour. Essaye. Grande Comore, Moëlie, Anjouan, Mayotte. Je vais penser. Là pour l'instant, donc il y a tourné aux Antilles. Je sais qu'on nous écoute aussi sur le skyrock.fm. Donc tu reviens là prochainement. C'est quoi, Guadeloupe, Martinique? Guadeloupe, Martinique, les deux prochaines dates. Après celle de Paris. Et ensuite je reviens tout le mois de mai en Paris et métro. Ouais. Voilà, les provinces. Toulouse, Montpellier, Bordeaux. On peut te suivre où, toi, Kérosène? Une adresse internet? C'est Twitter, hein, Twitter et Facebook. Kérosène officiel ou Kérosène officiel. Voilà, Kérosène officiel pour retrouver toute l'actualité de Kérosène qui est l'invité ce soir de Rof entre 20h et 21h. Qu'est-ce que tu veux qu'on passe, Rof, dans quelques minutes? On peut passer Zone Internationale. Zone Internationale? Ouais. On peut passer le Paris aussi. Passer le Paris. C'est d'actualité. Juste avant le match. Ouais, ce sera juste avant le match, donc bougez pas, on vous attend aussi freestyle par téléphone. Vous laissez vos coordonnées 41759 avec le hashtag Rof sur Skyrock. Petite question aussi, chaque soir on vous file album dédicacé de Rof. La question du jour pour repartir, simple. Comment s'appelle la tournée de Rof qui débute le 11 avril au Zénith de Paris? Super simple. Allez-y, vous envoyez les messages 41759 avec le hashtag Rof sur Skyrock. C'est pour vous, quel est le nom de la tournée de Rof qui débute le 11 avril au Zénith de Paris et qui va se prolonger juste après, 19 avril au Zénith Arena de Lille, le 20 avril au Zénith de Nantes, le 25 avril au Transborder à Lyon, 26 avril au Zénith de Strasbourg, le 2 mai au Dôme de Marseille, le 16 mai au Zénith de Caen, 28 mai Zénith de Montpellier et le 30 mai aux Arènes de Metz. Bougez pas, on va être de retour dans un instant sur Skyrock. Planète Rap spécial Rof avec Kérosène qui est là, qui se produira la semaine prochaine, lui le 10 avril du côté du Cabaret Sauvage à Paris. On est de retour dans un instant sur Skyrock, ce sera juste après ça le retour de Planète Rap. Bougez pas. Tous les soirs sur Skyrock. C'est Rof, et avant de retrouver votre freestyle par téléphone au 41759 pour les inscriptions, on a dit ce soir beaucoup de sons, Rof. Ouais. Ce soir tu vas écouter beaucoup de sons. Ouais, on va aller le classique, Donc session. Donner un peu pour tout le monde. Session classique avec un morceau qui s'appelle Le Pouvoir, qu'on balance maintenant. Pouvoir au mix, tranquille. Allez, c'est parti, Rock Géoplatine, Le Pouvoir maintenant. Oh, say yo yo. I got 47 spark. Yo yo yo yo. Flow flow flow. Say yo yo. I got 47 spark. Yo yo yo yo. J'arrive comme un coup de grâce, coup de crosse, nigga. Je n'ai pas rassure, pécroche. Je sais ce que j'ai à faire, pas besoin de chauffeur. Cousin, le pouvoir, personne me l'a offert. Tous les six qui peuvent faire, la plupart des bluffeurs. Dis-leur qu'il n'y a rien à faire, le RAP est mon affaire. Y'a de l'argent à faire avec la grande classe. Arrogant, voyant et fier, ce que je dis me ressemble comme mon petit frère. J'ai la même démarche que mon stylo déambulant sur cahier d'écrivant bitume, la merde, tu tout ce que j'ai pu racailler. Réalise pas ce que je suis devenu, je m'en tape. T'es connu, je me donne en spectacle. En pleine avenue, armé ou un manu. Être en vie, c'est déjà risqué. Même cagoulé, démasqué, suspecté. Comme une petite mosquée. Traqué dans un climat perpétuel à l'air. Show business, je t'emmerde. Trop d'artistes cyber, font que de la merde. À trop vouloir s'approcher du soleil, on se brûle les ailes. Trappe pas pour te plaire, mademoiselle, t'auras pas mon oseille. Tu se dois te faire cartoucher, après t'es touché. Dites pas la notion, tu sais pas ce truc que je viens retoucher. J'attire les schnecks et les chèques, check les MC attend mon échec. Des mecs que je colle, elles souhaitent en cachette. J'ai raison en pochette, comme sur la pochette. Ainsi sur la France, ministre de la guerre. Obligé de dire mon nom par poisson et de la sentence. Chante me refrain, mais de ta bouche, elle a pas de sens. Pas question de travestir ma classe pour des avances. C'est mon son pour les formes humaines, tu perdrais connaissance. De voir le visage de la haine, le corps de la violence. J'arrive comme un coup de crosse, méga. Je nique ta race sur Picross. Je sais ce que j'ai à faire, pas besoin de chauffeur. Cousin, le pouvoir, personne me l'a offert. Tous les sous qu'ils peuvent faire, la plupart des bluffeurs. Dis-leur qu'il n'y a rien à faire, le RAB est mon affaire. Y'a de l'argent à faire avec la grande classe. Arrogant, vaillant et fier, que je dis me ressemble comme mon petit frère. Le hardcore, mon folklore, la balle est dans mon corps ou dans ton corps. Quand on remet tout le monde d'accord, je rappe comme un roi. Tellement démarqué, je me retrouve hors jeu. L'arbitre doit valider mes buts, tellement ils sont dans jeu. Le temps que j'ai perdu, c'est l'avenir qui le rembourse. Si c'est Ousni Montana, the rap is yours. Hardcore pur comme ta chenouf, comme Tijuana, c'est la source. Je suis monté sans personne, gros, sans passer par la suce. Qui veut signer des artistes à la recherche d'un nouveau rof. La rue est mon fake, je suis l'acteur et la voix off. Catastrophe, aussi mystérieux que la main de Jamel. J'ai dégommé la lune, allez le dire à Amel. Que c'est son criminel. Le rap va crever le même jour que moi hein. Le rap il manque une dent, il a des gros jours comme moi hein. Pour une fois que la modestie ça a gros merde. MC t'es ma doublette, tu vas finir dans un gros merde. T'as repris mes numéros, série, je chasse Ido IG. Comme une balle partie, j'suis un KIG. Dans KIC, sujet du débrouille, d'embrouille, de bonne meuf et de gros chiffres. Flow, Rof à l'instant avec le pouvoir remix sur Skyrock entre 20 et 21. Tu t'es replongé d'ailleurs sur toute ta discographie avant d'attaquer la tournée des Zénith, le PDRG Tour. Ouais, ouais. T'as tout réécouté. Obligé, ouais. Tu fais un petit tour vite fait. Et après, tu choisis, tu sélectionnes ce qui marche le mieux sur scène. Puis en même temps, des fois, voilà, faire plaisir au public, tu vois. Mais il y a des morceaux que t'as envie de rejouer sur scène, que t'as peut-être pas joué depuis longtemps, que t'as retrouvé justement où ouais, tu dis. Ouais, bien sûr. Bah, tu révises après, hein, comme à l'école, hein, c'est comme ça. Hein. Par exemple, lequel? Lequel t'as vachement envie de rejouer sur scène et que t'avais pas joué depuis longtemps? Regretter. Mmh. Tu vois. Bon, long morceau celui-ci. Ouais, ouais. Donc, c'est, on l'a dit, hein, depuis début de la semaine, c'est après. Les gens le réclament. Hein. Tu peux être en train de chanter, un gars qui t'appelle, il veut te parler personnellement. Tu vois, il oublie que t'es sur scène, t'es en train de faire le taf. Il veut te parler perso et quand tu prends l'oreille, vas-y, s'il te plaît, je regrette. Arrête celui-là, tu vois. Non, tranquille. Ça, c'est arrivé parfois, on te dit, ouais, t'entends, t'arrives à entendre ce qu'on te dit tout devant. Ouais, bah après, tu fais genre, t'entends pas, mais t'entends en fait, tu vois. Non, tu sais, tenir compte un peu des remarques, tu vois. Parce qu'avant tout, tu fais le concert pour satisfaire le public. Faut pas être trop égoïste, tu vois. Voilà. Bon, et puis on l'a dit, ça va être donc pas 20 minutes sur scène, hein. Ça risque de ouais, durer, hein. Ça va durer, mais c'est pas ça va durer, ça va être saoulant, c'est pas ça. C'est qu'il y aura beaucoup de rebondissements, quoi, tu vois. Tu seras là le 11 avril? Kérosène qui est là avec nous ce soir dans le studio. 10, tu vois. Bah oui. Après, normalement, il y a des trucs le lendemain, je vais essayer, mais c'est. T'inquiète. T'es là, frérot. T'as déjà vu Rob sur scène ou pas, Kérosène? Malheureusement, pas encore. Ah, pas encore? Ouais, faut pas rater ça, gros. Ouais. Faut pas rater ça. Non, sérieux. On a mis au point un délire, tu vois. Début de cette tournée du PDRG Tour, ce sera à partir du 11 avril au Zénith de Paris, plein d'autres dates. Vous les retrouvez aussi sur skyrock.fm, Skyrock partenaire de la tournée de Rof. On a filé des places d'ailleurs à des auditeurs qui ont gagné des places. Dans un instant, on fera tourner aussi ensemble la roulette. Et là, je vous présente Rapace de Vannes. Salut Rapace. Ouais, si, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, bien. En forme? Ouais. Eh ben, il y a Rof qui est là. Et puis Kérosène, ouais, que je te présente. Kérosène qui est présent sur le Zlatana Remix. Salut. Le West Indies Remix. Bon, t'es content? J'ai écouté aussi, si, bien. Et bon, hein, le Zlatana Remix. Ouais. Lourd. Ouais, très lourd. Si. Allez, on t'écoute rapper, toi, maintenant, c'est la session freestyle par téléphone, c'est parti. Rapace de Vannes. Ok. Ton Pierre Cadeau. Un rap de la 2DC. Oh. Ok. Y'a deux, trois trucs qu'il faut que je te dise, mais là je suis perché sur ma branche. Je veux marcher droit, mais la haine me met des coups dans les hanches. C'est pas drôle quand t'as un frère qui est derrière les barreaux. En vrai je veux m'en sortir sur ma vie, mais je sais même plus par où. Ouais, je sais même plus par où, le haine ça m'a rendu par où. Quand je dis que je fais pas de détails, donc remballez tous vos tarots. Tu captes les punchlines que je t'écris. Par contre tu captes pas ce qu'on a dalle et qui l'a décrit. J'ai pris ça dire, mais la vérité c'est ça. Tu peux rouler en belle voiture, mais nous on sait que c'est l'argent sale. Et moi, je vois la daronne qui se lève, mais j'ai pas sommeil. J'ai dit y'a des liens avec la mort, mais j'ai pas sommeil. Je sais pas ce que j'ai, on m'a dit que c'est l'insomnie. Et pour m'endormir tranquille, sous le matelas, faut que l'insomnie. Et je peux pas savoir, y'a peut-être des gens qui veulent ma peau. Pour une histoire publique, pour la plume que j'ai dans la paume. Ok Rapace, à l'instant freestyle de Van, merci à toi Rapace. Ouais, de rien. Un gros big up à mon gars Jalo qui va m'écouter là. Juste ça. Eh bah terrible, tu veux passer les dédicaces, vas-y Rapace, hein. Oh, tranquille, bah toute ma SDK, Pierre Cadeau. Et je le retiens encore une fois, mon gars Jalo qui va m'écouter. Et voilà. Eh bah ça roule. A plus Rapace. Ouais, si. Ciao, passe une bonne soirée. Justement, c'est le rap aux Antilles, c'est vrai que la musique dominante, c'est plutôt dancehall. Ouais. Aux Antilles, il y a aussi. Bon, ça fait un peu de tout quand même. Ça rappe un petit peu aussi. Ouais. Pas mal. C'est assez fréquent. Des trucs qui font. Bon, plutôt en créole. Ouais. Ouais. Le français, c'est pas encore. C'est pas à tous les coins de rue, mais on va dire que ouais. Le rap en général, ça va bien. Donc aux Antilles, il y a pas mal. C'est à suivre aussi. Ils sont branchés, ils sont près des States, ouais. Ils sont branchés. Mmh. Ouais, donc une qualité, une oreille musicale, ouais, avec beaucoup de mélange. On le disait, il y a évidemment le dancehall, ouais. La culture musicale. C'est essentiellement ça, c'est dancehall et rap US, rap un peu français aussi. Puisque bon, on n'est pas loin des States, mine de rien. Pas loin de la Jamaïque, pas loin de tout ça, donc bon, on fait un peu de tout. Donc ouais, il y a l'oreille qui est bien développée en fait là-bas. Voilà. On écoute plein de choses. On va dire ça comme ça. Toi le rap français, c'est quoi les artistes que t'écoutes en particulier? Donc Rof, je suppose. Il y en a beaucoup. Après, je vais pas te mentir, je retiens pas tous les noms, puisque c'est pas ce que j'écoute principalement. Mm-hmm. Mais il y a Soprano, il y a pas mal de gens que j'aime bien. Il y a aussi, d'ailleurs, dans le dancehall, ça c'est aussi culturellement beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de clash et tout. On aime bien, ouais. Toi aussi, tu te sens en compétition un petit peu, parce qu'on en a parlé avec Rof, évidemment. Il y a une compétition sur scène, il y a une compétition sur disque. Toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi? Bon, plus trop maintenant. Après, moi, personnellement, j'ai fait presque 10 ans de clash. Donc bon, je sais, ah oui, je sais bien de quoi on parle, tu vois. Au début, j'étais un artiste spécifiquement clash. C'est depuis que 2 ans que je me suis un peu diversifié, on va dire. Donc ouais, moi ça me branche assez, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe c'est assez courant. C'est bon, c'est une manière comme une autre de s'affronter musicalement et de voir qui performe sur dans tel ou tel terrain. Ouais, culturellement ça fait vraiment partie, ouais. Voilà, du dancehall, de la musique du dancehall, ouais. 10 ans de clash. C'est fréquent. Bon, Rof. Ce n'est que le début. Ce qui est bien, c'est que malgré ces histoires de clash de merde là, bah, on avance. Hein, tu vois. Il n'y a rien qui nous freine. passe en travers en fait, tu vois. Ça c'est. Ça changera à notre carrière, à ce qu'on est, à ce qu'on représente, tu vois quoi. Ce qu'on dégage. Ça bouge pas. Tu vois quoi. C'est bah, c'est, il c'est... est là et clash pas clash, il est là, tu vois. Bah ce que tu nous disais, voilà, puis c'est une motivation, c'est de la compétition avant tout, voilà, faut sortir les meilleurs lyrics. C'est le challenge. C'est le challenge quoi, ouais. En fait. C'est... Voilà. Bon, on va écouter un morceau maintenant qui est pas clash du tout, c'est Zone Internationale, c'est ça, hein, c'est ouais, celui-ci. Ouais. Avec Roldan Dorichas. On se souvient de ce morceau aussi. International. Ça, celui-là, t'es obligé. Orichas, Roldan. Obligé de le jouer, celui-ci, forcément, en concert. Obligé. Ça, c'est un gros classé, gros morceau. Qui fait du bien et qui fait toujours du bien. Ça périme pas. Il met la bonne humeur. Allez, c'est parti maintenant. Le clip, il était tourné au Brésil. Le gros souvenir avec Zé Pequeño de la Cité des Dieux. Ouais, qui était dedans. C'est premier à l'avoir invité. Allez, si. Zénith 11 avril, pas ne pas rater, on va brûler le Zénith Ray. Dans la zone internationale. J'écris ce texte au bord de la rupture d'un névrisme. Africain, latino, lyrical, tourisme. En première classe, on charter, l'essentiel c'est le voyage. Le son berce du hublot, je mate les nuages. On aime la vie, bien qu'elle s'obstine à nous mettre des coups. La ghetto froideur peut réchauffer comme dans un igloo. Tant qu'on est libre, faut pas se plaindre, pense à ce sous-écrou. Où qu'on soit, on conçoit tous de sortir de ce trou. Les mêmes convictions, car à dégoût, notre bonheur est de nous reproduire, on a pris goût d'égout. La vie dégoûte, tout ce qu'on appelle à tes côtés. Tu veux violer la chance et te laisse à peine la tripoter. Ceux qui se contentent de peu, vivent mieux. La plupart des riches, nerveux, prétentieux, ignorant Dieu. Mon âme est consciente, je fixe le miroir, me dis ça c'est moi. Je retiens l'espoir du bout des doigts, y croire, c'est tout ce qu'on a. On n'attend pas la météo pour mettre un gilet sous le pull. Moi je veux une fille qui me ressemble, qui cache son boulet qu'un petit pull. Que des faux les clocs en Vitrica et Wesso. Imagine Tony Man, ils étaient pequeño danser sur ce morceau. Frère au Hebs, on a besoin de savoir où on est. Mais dans nos cités, c'est le contraire, rien que ça tire avant de partir. Pitié pour qu'il te protège. J'arrive au bled, je suis pas le président et le peuple en cortège. Je fiège dans l'officialité, publicité. Je fais tout avec sincérité, pas pour la publicité. Ça se occulter la richesse en soi. La poste au côtoie, pas la peine chercher les problèmes. Ils viendront vers toi. La vraie réussite est de maîtriser, minimiser les dégâts. Excuse bébé d'avoir victimisé ton gars, trop de cadeaux. Le Père Noël veut plus descendre. En banlieue, je fais de l'ombre au 25 décembre. Ma voix fait du bien à ceux qui sentent seuls. On a toujours besoin de quelqu'un, personne s'enterre tout seul. Chacun sa dose de couleur et de joie. On se tape pour passer à notre stade. Nous sommes stressés, oppressés jusqu'à devenir un star. Société conce, donne, déconne, sois bonne et tais-toi. Consume-toi, ton aise, oublie-toi. En manque de ma pessa, dans l'embarras, relève la cabessa. Libérateur comme Che Guevara. De Paris à Bogota, Caracas, Cuba. Montreuil. Comorien, les Comoriennes. Skyrock et le Planète Rap avec Rob juste avant sa tournée. Je me disais, ça fait du bien. Mais je me disais, en écoutant ce morceau, c'est quoi, 2006, hein, c'est ça? Ça fait 8 ans. 2004, poto. C'est 2004? Ouais, 2004, 10 ans déjà. Et ça va, il bouge pas, hein, celui-ci, hein? Il bougera pas, frère. Zone internationale. Il est conçu pour durer. Big Nas à la prod. Gros big up à Big Nas en Thaïlande. Si. Avec Roldan Dorichas à l'instant, c'est ce qu'on écoutait. Donc c'est des morceaux que tu fais encore ça. Obligé. En tournée. T'es obligé de les faire, ceux-là. C'est des bons souvenirs, ça. 11 avril, Zénith de Paris, le 19 au Zénith Arena de Lille, le 20 avril au Zénith de Nantes, 26 avril Strasbourg, juste avant il y aura le 25 avril au Transbo à Lyon, le 2 mai au Dôme de Marseille, le 16 mai au Zénith de Caen, le 28 mai au Zénith de Montpellier, les Arènes de Metz le 30 mai, avant pareil de tourner un petit peu partout dans toute la France et puis ailleurs aussi, parce que la musique, on le disait, bah aussi bien pour toi, Kérosène, Kella, que Rof, elle vous conduit loin parfois. Ouais. Très très loin pour aller jouer. Et c'est tant mieux, comme ça. C'est bon signe. C'est bon signe. Toi aussi, Kérosène, c'est pareil, tu voyages pas mal. Avec la musique, te fait voyager pas mal. Franchement, ouais, ça va. C'est comme je dis, mon rap a soigné des malades, dièses, médecins sans frontières. Bon, on va rappeler. Toi, t'as un projet qui est dans les bacs aussi, là, depuis le mois de décembre. C'est ça, ouais. Sky is the limit. Sky is the limit. Voilà. Ça résume l'état d'esprit. D'accord. C'est là depuis le 13 décembre, et puis voilà la tournée qui va avec. Et puis la semaine prochaine aussi, t'es en concert à Paris au Cabaret Sauvage. C'est le 10. Le 10, ouais. Ouais. 10 avril prochain. On remet un morceau avant de se quitter, un autre titre. Okay. Ah, il y avait le titre aussi demandé, vachement demandé sur les réseaux sociaux de Skyrock, c'est le morceau Déterminé. Déterminé. Ah, c'est pas celui-là que je vais jouer, moi. Bon, on a le temps de jouer deux, allez hop, deux morceaux. Voilà. On avait dit Paris aussi, on avait dit Paris juste avant. Voilà, déjà. Paris Déterminé, les deux peuvent aller ensemble. Hein. Ok, d'abord Déterminé, on finit par Paris. Ok, c'est parti. Maintenant, juste avant la grande rencontre foot, à suivre chez Normalement, moi je devais être au stade là, hein. Je devais être au parc normalement. Mais t'es pas bien là? Ouais, je suis bien, mais encore mieux là-bas. Hein. Putain, merde. Tu vois Pascal Obispo qui passe, tout ça. Bon, ça va, t'es mieux ici alors? Ouais, tranquille. On est là pour la team refrain. Allez, on écoute le morceau maintenant, c'est Paris. Non, à Déterminer et Paris juste derrière, allez, c'est parti. Les équipes du 9-4 sont déterminées. Les potes de Grigny sont déterminées. Les Sulis et Evry ont déterminé. Addition et Corbeil reviennent déterminés. Gros proche, la tourneuse, gros déterminé. Zanni, Aubert et Pinet déterminés. Bondy, Sevran, Honnet déterminés. Montreuil, Montfermeil reviennent déterminés. Les équipes du 7-7 sont déterminées. Trondard, le 7-8, Ray et un bon 30 numéro, monte la jolie règle. 19-18, on vient de champion. J'ai fait le tour de l'hexagone, toujours maillot jaune. On m'a dit calme-toi, t'es trop carré pour une icône. Je suis responsable de mes actes, pas des agressions dans le trône. Respecte-nous, tu verras pas grandir tes mômes. Nos enfants sont bien viscères, on leur fait même des chromes. Ici personne ne chôme, y'a du boulot dans la zone. Comme les sentiers, on sait ce qu'on fait, même pété au rhum. Coupe placé au mauvais call, cuisine l'avant là dans le hall. Si tu fais la manche, on t'a un gun, une cagoule. On visite au bijoutier et trace avant que les keufs des boules. À la Bélec, en cassant la vitrine. ADN, adrénaline, la BRI n'est pas caline. Linga, linga, ling. 20 bouteilles, Warhol. Pète leur corps sous les mêmes couleurs que ça va pas, ouais. Les équipes des hautes scènes, les hauts galines. Pour l'ombre, point de sève, trop déterminé. Sur un, déterminé. Gégène, on vient de terminer. Vénitieux, El Caïs, Marseille, gros, déterminé. Grenoble, Toulouse, gros, déterminé. Ni moi, mais ni soir, on vient de terminer. Rrrra, talache, talache. Rrrra, talache, talache. Rrrra, plus AF que l'incroyable Hulk. en compagnie de l'incroyable Hulk. Mon équipe recrute que les mangeurs d'oursons. Supportes-tu la vue du sang et la lourdeur de mon son? Au-dessus du Texan, du Hebs, hélicoptère. Pas besoin de baptême de l'air, mais on peut te monter en l'air. Fais tes thunes et profites-en, ou nique ton père, ta mère. Comme tu le sens, y'a pas de galère, c'est la guerre. Repart en civière, be, et nous en roue arrière. Ton avenir ne tient que sur un rail ou sur une baille. Nous on a le beurre, l'argent du bail, toutes les bailles. On taille, pas qui c'était qui le shit. T'en reviens pas, comment mon pote Eric ressemble à un schmitt. R et Douane, ne cesse pas la bite, d'un coup on va te faire vomir. Traîne avec les petits blancs, garde ta vue, t'as pas où dormir. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous les fourgons, vous les bonbons, nous n'avons pas les mêmes fouleurs. C'est pour mes Abdoulaye, mes Abdelmessi. Faut face, on a la coupe d'Espagne, eux la coupe à Ramzi. Y'a embrouille, on t'arrose avant que tu te mouilles. Là je fais pas les couilles, la rage fait les douilles. 5, 6, 7, 76. Eh gros Jamel, Villepinte, Sisi. Dans la pêche, Lausanne et Montréal, trop déterminé. Comment il est 974 déterminé. Wadada, Madinina, reviennent et Kérou. Kalash, Kalash. Kalash, Kalash. Vitry sur scène, Ray. ROH2Z. Plus DRG, Ray. Sur Paris, la province vient briquer sa life sur Paris. Du banditisme au rap, tu peux pas tester Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ok, fuck Chelsea, les héros. Ce soir c'est Paris. Sur la province vient briquer sa life sur Paris. Du banditisme au rap, tu peux pas tester Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Paris. Je me fais quitte de ton safari, enfoiré. Reste en foyer, ne joue pas le barin. Sur Paris, ici t'es personne. Un deck où tu mets les pieds, le terrain est miné. Le feu est toujours vert pour traquer tes fumées. Terminé, terminé, milieu vers le ciné. Dernier des gangs à montagne. Trouille en rail, la haine est innée. Tous dans la lignée, tu gangs des postiches, mes streams. Clan des manouches, Kabila, Dream Team, tous incriminés. Les écrivains font couler le sang. 19ème, 20ème, 18ème, la goutte d'or. On en manque, la place ton langue. Arquois, mis à la monde, t'en chante Paris, c'est la roue, c'est la chante. Représente la BS, trafic en stress d'armes et cannabis. 16 crack, sexe, on sait qu'est-ce qu'on charme nos hôtesses. Paris, rond-point du business, le capitalisme. En hausse, la joie de vivre en paix, l'esprit que midnight est. Virer nocturne, sur du rock, on monte sur Paris. La province vient briquer sa life sur Paris. Du banditisme au rap, tu peux pas tester Paris. Ici c'est Paris, ici c'est Viré nocturne, sur du rock, on monte sur la province vient pimper sa life sur du banditisme arabe, tu peux pas tester. Tu sais que c'est ici c'est Paris. Rive, putain de passe, c'est ici que ça se passe. Paris, si tout passe, mélange de crasse de classe. La plus belle avenue, les soirées se tracent. Paris en extase, son cœur sous anesthésie, la ville des fantaisies. Qui est au couche avec la bourgeoisie, il peut te croiser. On te sourit, on te regarde en travers. On te renseigne, droit à droite, le feu à gauche et va niquer ta mère. On fraude le crâne vide comme le météore. RER, vue du ciel, Paris, une fourmilière. Terre promise des torsos, c'est des cartères des torsos. Tire les nocturnes en vaisseau sur ce morceau de vaquet. Sur la guêpe, ride au sag et les microbes, les jeans, les skins et les gays. On supportera le PSG, même relégué. Pour la suite, on fait libre, c'est moi au dame. Paris plage, la scène remplie de calibre et de cadavres. Le mal-être en développement, la grand-père sortie d'un pot d'échappement. On pisse sur les monuments, y'a plus d'histoire en bas de nos bâtiments. Tire les nocturnes sur du rock, on monte sur Paris. La province vient briquer sa life sur Paris. En direct de la capitale, bro. Tu sais c'est Paris. Ici c'est Paris. Via et nocturne sur Europe, on monte sur Paris. La province vient pimper sa life sur Paris. Du banditisme au rap, tu peux pas tester Paris. Tu sais c'est Paris. Ici c'est Paris. Bienvenue en vacances sur l'île de France. 1 dollar c'est baiser au change Times Square. c'est la défense. Le précis a pris trois bastos au Stade de France. Les carrés rangent leur chaîne d'atterrissage, volent avec violence. On prend l'office du tourisme et nous, v'là le décalage. En cas de recalage, Paris sort la calage. Ouais, ouais, ouais. Pour t'arroser, Paris y'a le bon tuyau. Paris roule en féfé le week-end et la semaine en Clio. La région compte 8 départements en fusion, 8 prisons, vingtaine d'arrondissements, c'est Truffet Schmidt à l'horizon. Le syndicat du crime, en collabo avec le syndicat du string. Qui se mouille les michetons bien organisés. Du Fouquet au pays, tous en mode. Capitale de la mode des mannequins. Un monde parallèle, les Saoudiens kiffent ce monde. Parallèle, se termine en after dans un loft. À Saint Viking, sors chez toi, t'es dans le ring, t'es une victime. Ou même une victime. Sur du rock, on monte sur Paris. La province vient briquer sa life sur Paris. Du banditisme au rap, tu peux pas tester. Paris, c'est Paris. Les gros, fuck Chelsea, fuck Chelsea. Rire et nocturne, sur du rock, on monte sur Paris. La province vient briquer sa life sur Paris. Du banditisme au rap, tu peux pas tester. Paris, c'est Paris. Paris, c'est Paris. Les nocturnes, sur du rock, on monte sur Paris. La province vient vibrer sa life sur Paris. Du banditisme au rap, tu peux pas tester. Paris, tu sais que c'est Paris. Ici c'est Paris. Que big up Drancy, CDN, Stos. Hey Stos, tiens bon frérot, 9-4, Ako, Braco, Montreuil. Okay. Bon, on était raccord. Paris, Fleury, Slimane. On était raccord quand il y a le morceau Paris, c'était le coup d'envoi du match là. Voilà, c'est parti, frère. PSG Chelsea, le pronostic de Rof, c'est 2-0. J'ai pas demandé à Kérosène parce que je crois que le foot. Pas trop. C'est pas trop ça, plutôt la musique. Ouais. Donc on te retrouvera en concert la semaine prochaine du côté de Paris, justement au Cabaret Sauvage avant d'entreprendre une tournée au mois de mai qui a l'album qui est dispo. Merci d'être passé ce soir avec nous en tout cas. Pas de quoi, ça fait plaisir. Et puis merci pour l'invitation, Rof. Bien, Kéro, bien. Bonne continuation à lui. Zlatan Romix. Son équipe, tranquille. Zlatan Romix lourd. On vous remettra aussi dans la semaine entre 20h et 21h. Juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette et ton DVD Hunger Games. Allô Cédric de Montreuil. Yes, salut Fred. Ça va bien Cédric? Bah écoute, le moral, grave le moral de passer à l'antenne. Eh bah bienvenue à l'antenne, il y a Rof qui est là, Kérosène aussi avec nous. Salut Rof. Salut. Salut à tous dans le studio. Eh bah écoute, salut. Bienvenue. Prêt à faire tourner, on y va? Oh t'inquiète. Allez, on lance la roulette dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter sur la case. Et bah le DVD du film qui a tout arraché l'an dernier, Hunger Games, l'embrasement qu'on t'envoie rapidement du côté de Montreuil. Yes, merci, c'est cool. Passe une bonne soirée. Bah merci, je peux passer juste une début Fred. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Toute la paix 2018 d'équipe forcément à Montreuil, en particulier Youth, Vali, Julien, Dali, Morgane Le Saoud bien sûr. Grosse dédie à mes deux sœurs, à leurs mecs, à Sky, Alex. Et j'en oublie plein, Paul, Camille, enfin tous les gens qui m'écoutent. Et bien sûr à vous Sky, à Rof qui est là ce soir. Merci, big up à toi, merci. Merci à toi, passe une bonne soirée. Ciao, et ça y est, il est parti. On va saluer aussi William de Lyon qui a bien répondu tout à l'heure à la question quel est le nom de la tournée de Rof qui débute le 11 avril au Zénith de Paris. C'est évidemment le PDRG Tour. William de Lyon qui repart avec son album dédicacé. Merci donc. Lyon, Abdelhamabel, dédicace à Bonobo, Mounir, Cissé Maréchal. Et Lyon. Les gens du 6-9, tous les bonhommes. Tu seras en concert là-bas du côté du 25 avril au Transborder à Lyon pour retrouver Rof. Merci pour cette soirée. Merci. Merci à Kérosène d'avoir été là. Merci à vous. On rappelle aussi, on peut te suivre un peu partout sur le net pour avoir des infos. Kérosène officiel, Facebook, Twitter. Kérosène officiel, Rof demain le retour entre 20 et 21. Ouais. Et puis un petit mot aussi, j'avais ça. Oh, alors qu'il y a un but, on annonce déjà, ils viennent de hurler dans les oreilles. But du PSG, mec, c'est quoi ce délire? Pourquoi t'as coupé l'antenne? Ça a coupé ici. Mais non. Si, but du PSG. But de la Vezzi. Nous ça a craqué dans le studio, voilà c'est ouais, bon, but de la VZ. Aïe. Ouais. Eh bien on peut dire que ça commence fort. Ah mon gros, je te l'ai dit. Tu vas peut-être revoir ton pronostic, Rof. Hein? Tu vas peut-être revoir le pronostic. Ah j'espère. Mais 2-0, ça sent bon tout ça. Niquez l'oreille. Voilà. But de la VZ. Aïe. Ça y est, c'est parti. Merci la ah, oh là là là là. Éclairer la manière, la grande classe, gros. Paris. La grande classe. Bon, merci donc, Rof Kérosène. Kérosène, toujours bien en statique. Tranquille. Ça va, faut le faire. Ils sont en train de me faire trembler là, gros. Vas-y, j'y vais, moi. Eh ben, on va retrouver Difool. C'est parti. Ouais, Difool, on se parle plus tard. Putain. soir, enfin. Le match à suivre avec vous. Ah, vous m'avez niqué les oreilles, les gars. Ah ouais, putain, moi aussi, ça a hurlé autour, là. Oui, il y a but. 1-0 pour le PSG contre Chelsea. On suit le match en direct tout au long de la soirée, évidemment. Et Karim danse. Ça commence fort. Karim danse. Ça va bien, dis donc. Est-ce que tu as croisé Dufoul? Très, très bien. Oui, calme-toi. Calmez-vous, là. Calme. Allez, les Parisiens sont en train. On va quand même demander l'avis de Samy. Il est pété le but, c'est Chelsea vous l'offre. Tu as vu la défense? Ah, on dirait Marseille. Pété le but. Ça va être bon ce soir, ça va être bon, moi je vous dis. Attention. Ah ouais, c'est beau. Bon, bah écoute, Fredo, il est parti, Rof. Il a tracé direct. Il a bougé, Rof. Nous, on va suivre le match en direct, évidemment, sur Skyrock. On vous attend pour toutes vos réactions, évidemment, bien sûr, avec notre équipe de sportifs, de footballeurs. De commentateur hors pair. Est-ce que tu as croisé les sympathiques chaud, supporters de Chelsea en bas? Non, j'ai pas vu. Ah, vous avez pas vu au pub là, juste à côté? Ah oui, il y a un pub anglais juste à côté. Ah oui, c'est vrai, on est pas. Ah bah ils l'ont fermé parce que ça se tapait direct déjà. Ah, ils se tapaient dessus. Ah, c'est pour ça qu'il y avait plein de trucs pétés par terre. Ah ouais, ils ont été sévères. Jeter des verres à la gueule. Je pense qu'ils ont bien picolé, si tu veux. Il a fait un peu chaud, ils étaient bien. Il y avait des cadavres de bouteilles et de verres. Ah bah ils sont bien tapés dessus. Ah bah on va suivre ça en direct. Vous aurez tout. Il faudrait peut-être envoyer Cédric avec un maillot du PSG. C'est possible. Dans ce magnifique pub anglais. N'oubliez pas parce qu'il est pas encore arrivé. Ah, il s'est peut-être arrêté. Il se fout sur la gueule. Il a vu une embrouille, ça l'a excité. Ah oui, s'est arrêté. C'est possible. Donc ce soir, le PSG contre Chelsea, évidemment. Vous tous en direct de toute la France. Si vous voulez commenter le match avec nous, vous nous laissez des messages dès maintenant. 41-759 skyrock.fm au 01-53-40-30-20, vous appelez. Et puis Fredo, demain, le retour avec Rof. À pas louper. On vous tient au courant de tout ce qui se passe pour l'instant. 5 minutes 49 de jeu entre le PSG et Chelsea. Il est de retour. 1-0. Ça va, Rof? Il s'est remis. Ça va? Non, mais il y a Dufoul qui parlait. Il allait courir ou danser, ben oui, il parlait. Excuse-moi, Dufoul, qu'est-ce qui se passe? Ben, on suit le match, donc on parlait des bastons avec les Anglais, on a parlé du premier but de la Vezzi, on suit ça tout au long de la soirée. Des bastons avec les Anglais déjà? Ah, juste en bas de la radio, t'as pas vu? Dans le pub. En arrivant? Mais non. Le pub anglais là, il s'est fait ratatiner. Ah, c'est pour ça qu'il y a le CRS. C'était pas pour ça, Rof. Ouais, c'est. Ah oui, ça a été chaud là tout à l'heure, ouais. Bon, à demain, on vous retrouve demain 20h. Ouais, ok. Juste avant 20h. Salut, Rof. Ciao. Bon match. Merci. Bon match avec nous sur Skyrock Radio Libre. Ah, c'est parti. Chaud, ils sont chauds. Ouais, nous aussi, on est chaud. Jusqu'à minuit, on est en direct. Ciao, c'est parti. Ciao à tous. À demain, ciao.